Les amis de Suzanne. André. Vous avez connu le docteur Trévière. Vous vous rappelez sa large face ouverte et lumineuse et son beau regard bleu? Il avait la main et l'âme d'un grand chirurgien. On admirait sa présence d'esprit dans des circonstances difficiles. Un jour qu'il faisait à l'amphithéâtre une grave opération, le patient, à demi opéré, tomba dans une extrême faiblesse. Plus de chaleur, plus de circulation, l'homme passait. Alors Trévière le saisit à deux bras, poitrine contre poitrine, et secoua avec la puissance d'un lutteur ce corps sanglant et mutilé. Puis il reprit son scalpel et le mania avec cette audace prudente qui lui était habituelle. La circulation était rétablie, l'homme était sauvé. En quittant le tablier, Trévière redevenait naïf et bonhomme. On aimait son gros rire. Quelques mois après l'opération que je viens de rappeler, il se fit, en essuyant son bistouri, une piqûre à laquelle il ne prit pas garde et qui lui inocula une affection purulente dont il mourut en 2 jours, à l'âge de 36 ans. Il laissait une femme et un enfant qui l'adoraient. On voyait tous les jours de soleil, sous les sapins du bois de Boulogne, une jeune femme en deuil qui faisait de la guipure et regardait par-dessus son aiguille un petit garçon à quatre pattes entre sa pelle, sa brouette et ses petits tas de terre. C'était Madame Trévière. Le soleil caressait la chaude pâleur de sa face, et un trop-plein de vie et d'âme s'échappait en effluves de sa poitrine, parfois oppressée, et de ses grands yeux bruns pailletés d'or. Elle couvait du regard son enfant, qui, pour lui montrer les pâtés de terre qu'il avait faits, levait sa tête rousse et ses yeux bleus, la tête et les yeux de son père. Il était rond et rose. Puis il s'amincit en grandissant, et ses joues, tiquetées de taches de rousseur, pâlirent. Sa mère s'inquiétait. Parfois, tandis qu'il s'amusait à courir dans le bois avec ses petits camarades, s'il frôlait la chaise où elle brodait, elle le saisissait au vol, lui soulevait le menton sans rien dire, fronçait le sourcil en examinant ce visage pâlot, et secouait imperceptiblement la tête, tandis qu'il reprenait sa volée. La nuit, au moindre bruit, elle se relevait et restait nu-pied, penchée sur le petit lit. Des médecins, anciens camarades de son ami, la rassurèrent. L'enfant n'était que délicat, mais il lui fallait la pleine campagne. Madame Trévière fit ses malles et partit pour Brôle, où les parents de son mari étaient cultivateurs. Car vous savez que Trévière était fils de paysan, et que jusqu'à 12 ans il dénicha des merles en revenant de l'école. On s'embrassa sous les jambons pendus aux solives de la salle enfumée. La mère Trévière, accroupie devant les tisons de la grande cheminée, et ne lâchant pas la queue de la poêle, regardait d'un œil méfiant la Parisienne et sa bonne. Mais elle trouva le petit bien mignon et tout le portrait de son père. Quant au bonhomme Trévière, sec et raide dans sa veste de gros drap, il était bien content de voir son petit-fils, André. On n'avait pas fini de souper et déjà André donnait de gros baisers à son grand-papa, dont le menton piquait, piquait. Puis montait tout droit sur les genoux du bonhomme et lui enfonçait le poing dans la joue en lui demandant pourquoi c'était creux. Parce que je n'ai plus de dents. Et pourquoi n'as-tu plus de dents? Parce qu'elles étaient devenues noires et que je les ai semées dans le sillon pour voir s'il n'en pousserait point de blanches. Et André riait de tout son cœur. Les joues de son grand-père, c'était bien autre chose que les joues de sa maman. On avait réservé à la Parisienne et aux petits la chambre d'honneur où était le lit nuptial, dans lequel les bonnes gens n'avaient couché qu'une fois, et l'armoire de chêne, bourrée de linge, fermée à clef. La couchette, qui avait toutefois servi à l'enfant de la maison, avait été tirée du grenier pour le petit-fils. On l'avait dressée dans le coin le plus abrité, sous une tablette chargée de pots de confiture. Madame Trévière, en femme ordonnée, fit pour se reconnaître 36 petits tours sur le plancher de sapin qui craquait. Mais elle eut la déception de ne découvrir aucun porte-manteau. Le plafond à poutres saillantes et les murs étaient blanchis à la chaux. Madame Trévière remarqua peu les images coloriées qui égayaient cette chambre. Pourtant, elle vit au-dessus du lit nuptial une gravure représentant des enfants en veste noire et en pantalon blanc, un brassard au coude, un cierge à la main, défilant devant une église gothique. Elle lut au-dessous, cette formule gravée, avec les noms, dates et signatures remplies à la main. Je, sous-signé, certifie que Pierre Agénor Trévière a fait sa première communion dans l'église paroissiale de Brolles le 15 mai 1849. Gontard, curé. La veuve lut et poussa un soupir, un de ces soupirs de femme raisonnable et forte qui sont, avec les larmes d'amour, le plus beau trésor de la terre. Ceux qui sont aimés ne devraient pas mourir. Quand elle eut déshabillé André, « Allons, lui dit-elle, fais ta prière. » Il murmura, « Maman, je t'aime. » Et sur cette dévotion, laissant tomber sa tête et fermant les deux poings, il s'endormit en paix. À son réveil, il découvrit la basse-cour. Surpris, émerveillé, enchanté, il vit les poules, la vache, le vieux cheval borgne et le cochon. Le cochon surtout le ravit. Et le charme dura des jours et des jours. Quand c'était l'heure du repas, on parvenait à grand-peine à le ramener couvert de paille et de fumier, avec des toiles d'araignée dans les cheveux et du purin dans les bottines, les mains noires, les genoux écorchés, les joues roses riant et heureux. « Ne m'approche pas, petit monstre !» lui criait sa mère. Et c'était des embrassades sans fin. Assis devant la table, sur le bord de la balancelle, et mordant un énorme pilon de volaille, il avait l'air d'un petit Hercule dévorant sa massue. Il mangeait sans s'en apercevoir, oubliait de boire, et babillait. Maman, qu'est-ce que c'est qu'un poulet vert ? Cela ne peut être qu'un perroquet, répondit trop légèrement la Parisienne. C'est ainsi qu'André fut induit à désigner par le nom de perroquet les canards de son grand-père, ce qui rendait ses récits prodigieusement obscurs. Mais il ne s'en laissait pas facilement imposer. « Maman, sais-tu ce que grand-père m'a dit ? Il m'a dit que c'était les poules qui faisaient les œufs. Mais je sais bien que non, je sais bien que c'est le fruitier de l'avenue de Neuilly qui fait les œufs. Alors on les porte aux poules pour qu'elles les réchauffent. Car comment veux-tu, maman, que les poules fassent des œufs puisqu'elles n'ont pas de mains ? » Et André continua à explorer la nature. En se promenant dans la forêt avec sa maman, il éprouvait toutes les émotions des Robinson Crusoé. Un jour, tandis que Madame Trévière, assise sous un chêne au bord de la route, travaillait à sa guipure, il trouva une taupe. C'est très grand, une taupe. Il est vrai que celle-là était morte. Elle avait même du sang au museau. Sa maman lui cria, « André, veux-tu bien laisser ces horreurs ? Tiens, regarde vite là, dans l'arbre. » Et il aperçut un écureuil qui sautait dans les branches. Sa maman avait raison. Un écureuil vivant est plus joli qu'une taupe morte. Mais il était parti trop vite, et André demandait si les écureuils ont des ailes. Quand un passant, dont la face mâle et franche était encadrée d'une belle barbe brune, tira son chapeau de paille et s'arrêta devant Madame Trévière. « Bonjour, madame, vous portez-vous bien ? Comme on se retrouve, voilà votre petit bonhomme. Il est très gentil. On m'avait bien dit que vous logiez ici, chez le père Trévière. Excusez-moi, je le connais depuis si longtemps. » « Nous sommes venus ici parce que mon petit garçon avait besoin du grand air. Mais vous, monsieur, je me rappelle que vous habitiez déjà dans ces parages quand j'avais mon mari. » Comme la voix de la jeune veuve s'éteignait, il reprit d'un ton grave, « Je sais, madame. » Et très naturellement, il inclina la tête comme pour saluer au passage le souvenir d'un grand deuil. Puis, après un moment de silence, c'était le bon temps. Que de braves gens il y avait alors. Ils sont partis depuis. Mes pauvres paysagistes, mon pauvre Millet, c'est égal, je suis resté l'ami des peintres, comme ils m'appellent tous là-bas à Barbizon, je les connais tous, ce sont de bons enfants. Et votre fabrique ? Ma fabrique, elle va toute seule. André vint se jeter entre eux. Maman, maman, il y a sous une grosse pierre des bêtes au bon Dieu, il y en a au moins 1 million, vrai. Tais-toi et va jouer, lui répondit sèchement sa mère. L'ami des peintres reprit de sa belle voix chaude. « Cela fait plaisir de vous voir. Les amis me demandent bien souvent ce qu'est devenue la belle Madame Trévière. Je leur dirai qu'elle est toujours et plus que jamais la belle Madame Trévière. Au revoir, madame. Bonjour, monsieur Lassalle. André reparut. Maman, est-ce que toutes les bêtes ne sont pas au bon Dieu? Est-ce qu'il y a des bêtes au diable? Maman, tu ne me réponds pas, pourquoi? Il attira par sa jupe, alors elle gronda. André, il ne faut pas m'interrompre quand je parle à quelqu'un, tu m'entends? Pourquoi? Parce que ce n'est pas poli. Il y eut quelques larmes qui finirent par un sourire dans des baisers. Ce fut encore une jolie journée. On voit sur les campagnes de ces ciels humides et traversés de rayons qui attristent et charment. À quelques jours de là, par une grosse pluie, monsieur Lassalle, aux beautés, fit une visite à la jeune veuve. Bonjour, madame. Eh bien, père Trévière, plus solide que jamais? Le coffre est encore bon, mais les jambes ne valent plus rien. Et vous, la mère, toujours le nez dans la marmite? Donc, vous goûtez la soupe. C'est une bonne cuisinière. Et ses familiarités faisaient sourire la vieille dont les prunelles pétillaient entre les pommettes ridées. Il prit André sur ses genoux et lui pinça les joues. Mais l'enfant se dégagea brusquement et alla enfourcher les jambes de son grand-père. Tu es le cheval, je suis le postillon. Plus fort, plus fort. La visite se passa sans que la veuve et le visiteur eussent échangé quatre paroles. Mais leurs regards avaient plusieurs fois croisé des lueurs, comme des éclairs qui jaillissent entre ciel et terre dans les chaudes nuits d'été. Papa, est-ce que vous connaissez beaucoup ce monsieur? Demanda la jeune femme avec un air d'indifférence. Je le connaissais avant qu'il portât culotte. Et qui est-ce qui ne connaissait pas son père dans le pays? Des braves gens tout à fait, tout francs et tout ronds. Ils ont du bien. Monsieur Philippe, nous l'appelons monsieur Philippe, n'emploie pas moins de 60 ouvriers dans son usine. André crut le moment venu d'exprimer son sentiment. Il est vilain, le monsieur, dit-il. Sa maman lui répondit vivement que s'il ne parlait que pour dire des sottises, il ferait mieux de se taire. Depuis lors, le hasard voulut que madame Trévière rencontrât monsieur Lassalle à tous les tournants de la route. Elle devenait inquiète, distraite, songeuse. Elle tressaillait au bruit du vent dans les feuilles. Elle oubliait sa guipure commencée et prenait l'habitude de soutenir son menton dans le creux de ses mains. Un soir d'automne, tandis qu'une grande tempête venue de la mer passait avec de longs hurlements sur la maison du père Trévière et sur toute la contrée, la jeune femme eut hâte de renvoyer la bonne qui faisait le feu et de coucher André. Pendant qu'elle lui tirait ses bas de laine et qu'elle tâtait à pleines mains les petits pieds froids, lui, écoutant les grondements sourds du vent et les tintements de la pluie contre la vitre, il noua ses deux bras sur le cou de sa mère penchée. « Maman, dit-il, j'ai peur. » Mais elle, en lui donnant un baiser, « Ne t'agite pas, dors, mon chéri. » Puis elle alla s'asseoir près du feu et lut une lettre. À mesure qu'elle lisait, ses joues se coloraient. Un souffle chaud lui montait de la poitrine. Et quand elle eut fini de lire, elle resta étendue dans son fauteuil, les mains inertes et l'âme perdue dans un rêve. Elle songeait. Il m'aime. Il est si bon, si franc, si honnête. Les soirées d'hiver sont bien tristes quand on est seul. Il s'est montré si délicat avec moi. Certainement, il a beaucoup de cœur. J'en vois la preuve rien qu'à la manière dont il m'a fait sa demande. Alors ses yeux rencontrèrent la gravure de la première communion. Je soussignai, certifie que Pierre Agénor Trévière. Elle baissa les yeux, puis elle songea de nouveau. Une femme ne sait pas bien élever toute seule un garçon. André aura un père. Maman! Cet appel sorti du petit lit la fit tressaillir. Que veux-tu, André? Tu es bien agité ce soir. Maman, je pensais à une chose. Au lieu de dormir. À laquelle? Papa est mort, n'est-ce pas? Oui, mon pauvre enfant. Alors il ne reviendra plus. Hélas non, mon chéri. Eh bien, maman, c'est bien heureux tout de même. Parce que je t'aime tant. Vois-tu, maman, tant que je t'aime pour tous les deux. Et s'il revenait, je ne pourrais plus l'aimer du tout. Elle le considéra quelque temps avec inquiétude et retomba dans le fauteuil, où elle resta immobile, la tête dans les mains. Il y avait déjà plus de 2 heures que l'enfant dormait au bruit de la tempête quand, s'étant approché de lui,

un savant nommé Bog, qui était fort célèbre sous le nom de Bogus, pour un traité des erreurs humaines que personne ne connaissait. Bogus, qui y travaillait depuis 25 ans, n'en avait encore rien publié, mais son manuscrit, mis au net et rangé sur des tablettes dans l'embrasure d'une fenêtre, ne comprenait pas moins de 10 volumes in folio. Le premier traitait de l'erreur de naître, principe de toutes les autres. On voyait dans les suivantes les erreurs des petits garçons et des petites filles, des adolescents, des hommes mûrs et des vieillards, et celles des personnages de diverses professions, tels que hommes d'État, marchands, soldats, cuisiniers, publicistes, etc. Les derniers volumes, encore imparfaits, comprenaient les erreurs de la République, qui résultent de toutes les erreurs individuelles et professionnelles. Et tel était l'enchaînement des idées dans ce bel ouvrage qu'on ne pouvait retrancher une page sans détruire tout le reste. Les démonstrations sortaient les unes des autres, et il résultait certainement de la dernière que le mal est l'essence de la vie, et que si la vie est une quantité, on peut affirmer avec une précision mathématique qu'il y aura autant de mal que de vie sur la terre. Bogus n'avait pas fait l'erreur de se marier. Il vivait dans sa maisonnette seule avec une vieille gouvernante nommée Kate, c'est-à-dire Catherine, et qu'il appelait Closentina parce qu'il était de Southampton. La sœur du philosophe, d'un esprit moins transcendant que celui de son frère, avait, d'erreur en erreur, aimé un marchand de draps de la cité, épousé ce marchand et mis au monde une petite fille nommée Jessie. Sa dernière erreur avait été de mourir après 10 ans de ménage et de causer ainsi la mort du marchand de draps qui ne put lui survivre. Bogus recueillit chez lui l'orpheline par pitié et aussi dans l'espoir qu'elle lui fournirait un bon exemplaire des erreurs enfantines. Elle avait alors 6 ans. Pendant les 8 premiers jours qu'elle fut chez le docteur, elle pleura et ne dit rien. Le matin du 9e, elle dit à Bog, « J'ai vu maman, elle était toute blanche, elle avait des fleurs dans un pli de sa robe. Elle les a répandues sur mon lit, mais je ne les ai pas retrouvées ce matin. « Donne-les-moi, » dit les fleurs de maman. Bog nota cette erreur, mais il reconnut, dans le commentaire qu'il en fit, que c'était une erreur innocente et en quelque sorte gracieuse. À quelque temps de là, Jessie dit à Bog, « Oncle Bog, tu es vieux, tu es laid, mais je t'aime bien et il faut bien m'aimer. » Bog prit sa plume, mais reconnaissant, après quelques contentions d'esprit, qu'il n'avait plus l'air très jeune et qu'il n'avait jamais été très beau, il ne nota pas la parole de l'enfant, seulement il dit « Pourquoi faut-il t'aimer, Jessie ?»« Parce que je suis petite. » « Est-il vrai, se demanda Bog, est-il vrai qu'il faille aimer les petits ? Il se pourrait, car dans le fait, ils ont grand besoin qu'on les aime. » Par là, s'excuserait la commune erreur des mères qui donnent à leurs petits-enfants leur lait et leur amour. C'est dans un chapitre de mon traité qu'il va falloir reprendre. Le matin de sa fête, le docteur, en entrant dans la salle où étaient ses livres et ses papiers, et qu'il nommait sa librairie, sentit une bonne odeur et vit un pot d'œillet sur le rebord de sa fenêtre. C'étaient 3 fleurs, mais 3 fleurs écarlates que la lumière caressait joyeusement. Et tout riait dans la docte salle. Le vieux fauteuil de tapisserie, la table de noyer, les dos antiques des bouquins riaient dans leurs veaux fauves, dans leurs parchemins et dans leurs peaux de truie. Bogus, desséché comme eux, se mit comme eux à sourire. Jessie lui dit en l'embrassant, « Vois, oncle Bog, vois, ici c'est le ciel. » Et elle montrait à travers les vitres lamées de plomb le bleu léger de l'air. Puis là-bas, c'est la terre fleurie. Et elle montrait le pot d'œillet. Et puis, au-dessous, les gros livres noirs, c'est l'enfer. Ces gros livres noirs étaient précisément les 10 tomes du traité des erreurs humaines, rangés sous la fenêtre dans l'embrasure. Cette erreur de Jessie rappela au docteur son œuvre, qu'il négligeait depuis quelque temps pour se promener dans les rues et dans les parcs avec sa nièce. L'enfant découvrait 1000 choses aimables et les faisait découvrir en même temps à Bogus qui n'avait guère de sa vie mis le nez dehors. Il rouvrit ses manuscrits, mais il ne se reconnut plus dans son ouvrage où il n'y avait ni Fleur ni Jessie. Par bonheur, la philosophie lui vint en aide en lui suggérant cette idée transcendante que Jessie n'était bonne à rien. Il s'attacha d'autant plus solidement à cette vérité qu'elle était nécessaire à l'économie de son œuvre. Un jour qu'il méditait sur ce sujet, il trouva Jessie qui, dans la librairie, enfilait une aiguille devant la fenêtre où étaient les œillets. Il lui demanda ce qu'elle voulait coudre. Jessie lui répondit « Tu ne sais donc pas, oncle Bog, que les hirondelles sont parties ?» Bogus n'en savait rien, la chose n'étant ni dans Pline ni dans Avicenne. Jessie continua « C'est Kate qui m'a dit hier. »« Kate ?» s'écria Bogus. « Cet enfant veut parler de la respectable Closentina. »« Kate m'a dit hier. » Les hirondelles sont parties cette année plus tôt que de coutume. Cela nous présage un hiver précoce et rigoureux. Voilà ce que m'a dit Kate. Et puis j'ai vu maman en robe blanche, avec une clarté dans les cheveux. Seulement, elle n'avait pas de fleurs comme l'autre fois. Elle m'a dit « Jessie, il faudra tirer du coffre la houppelande fourrée de l'oncle Bog et la réparer si elle est en mauvais état. » Je me suis réveillée et sitôt levée, j'ai tiré la houppelande du coffre, et comme elle a craqué en plusieurs endroits, je vais la recoudre. L'hiver vint, et il fut tel que l'avaient prédit les hirondelles. Bogus, dans sa houppelande, les pieds au feu, cherchait à raccommoder certains chapitres de son traité. Mais à chaque fois qu'il parvenait à concilier ses nouvelles expériences avec la théorie du mal universel, Jessie brouillait ses idées en lui apportant un pot de bonne ale, ou seulement en montrant ses yeux et son sourire. Quand revint l'été, ils firent, l'oncle et la nièce, des promenades dans les champs. Jessie en rapportait des herbes qu'il lui nommait et qu'elle classait le soir selon leurs propriétés. Elle montrait dans ses promenades un esprit juste et une âme charmante. Or, un soir, comme elle étalait sur la table les herbes cueillies dans le jour, elle dit à Bogus « Maintenant, oncle Bog, je connais par leur nom toutes les plantes que tu m'as montrées. Voici celles qui guérissent et celles qui consolent. Je veux les garder pour les reconnaître toujours et les faire connaître à d'autres. Il me faudrait un gros livre pour les sécher dedans. » « Prends celui-ci, » dit Bog, et il lui montra le tome premier du traité des erreurs humaines. Quand le volume eut une plante à chaque feuillet, on prit le suivant, et en trois étés, le chef-d'œuvre du docteur fut complètement changé en herbier.